Portrait d'assaut sur Fadjet. Coup de projecteur aujourd'hui sur le rôle d'un atelier de vie de quartier. À Nancy, ils sont au nombre de 11. À quoi ça sert? Comment mieux participer à la vie de sa commune, de son quartier? Des éléments de réponse avec Garine Grégorsic. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésidente donc de l'atelier de vie de quartier de Boudonville, Scarponne Libération. C'est bien cela. Alors, est-ce que déjà vous pouvez nous donner une brève définition de ce que c'est un atelier de vie de quartier, ses missions principales? Un atelier de vie de quartier, c'est d'abord un lieu d'information, puisque nous sommes chargés de faire l'interface entre la ville de Nancy et les habitants du quartier que nous couvrons. C'est-à-dire que nous relayons les informations dans un sens et dans l'autre, en cas de problème, de suggestion, etc. C'est aussi un lieu d'expression. On intervient et on échange sur divers sujets qui concernent le quartier, c'est-à-dire la mobilité, la sécurité, la propreté, le développement durable, la solidarité, etc. C'est également un organe, entre guillemets, chargé de l'animation du quartier. Et en ce sens, depuis septembre, nous organisons généralement un événement par mois, donc de plus ou moins grande importance. On a commencé en septembre avec une conférence donnée par Jean-Sébastien Bertrand sur Émile Friant et sa demeure. Émile Friant vivait dans le quartier. Et c'était l'occasion de mettre en lumière ce passé souvent méconnu par les habitants. On a enchaîné au mois d'octobre avec un sapentroc, un échange de vêtements. Le principe, au moment où on fait le changement dans les armoires été-hiver, on proposait aux habitants d'apporter des vêtements dont ils ne voulaient plus, qui étaient en bon état, etc. à la salle Sittler, c'est notre siège social, 55 rue de la Colline. Les dépôts ont eu lieu le samedi et le dimanche, chacun venait faire son shopping parmi tout ce qui avait été déposé. Alors cette opération nous a permis de faire connaissance avec les étudiants nombreux qui habitent dans notre quartier. À cette occasion, nous avons organisé un grand repas intergénérationnel qui s'inscrivait dans le cadre du programme de fin d'échange. Donc il a eu lieu au mois de novembre et a rassemblé 50 participants. 25 étudiants internationaux pour la plupart et 25 personnes dont les études sont plus éloignées. Donc un joyeux mélange qui a été un franc succès. On a enchaîné au mois de décembre avec un spectacle donné par une compagnie théâtrale qui s'appelle Les Guignolos et qui est intervenu à la résidence autonomie Boudonville. Nous avons convié à ce spectacle les élèves de l'école maternelle Boudonville. Voilà, donc une belle diversité pour vraiment toucher tous les publics, tous les habitants du quartier. C'est l'idée, d'autant que dans notre quartier, nous avons la résidence autonomie qui jouxte l'école Boudonville, qui est en face de la cité universitaire Boudonville. Cette distribution géographique doit donner lieu à des projets intergénérationnels. Et plein d'autres projets, j'imagine, pour les mois à venir. On va y revenir tout à l'heure. Mais pour rendre ce dynamisme possible, il faut avoir une sacrée équipe derrière. Donc vous êtes coprésidente. Vous êtes combien aujourd'hui au sein de l'atelier de vie de quartier? Alors, nous sommes deux coprésidents. Thierry m'accompagne dans cette tâche. Nous comptons 9 bénévoles dans notre conseil d'administration, mais nous pouvons compter sur 120 personnes qui sont inscrites dans notre base de données et qui participent ponctuellement en fonction de leurs envies, en fonction de leurs compétences et de leur centre d'intérêt. Et en fonction des événements aussi tout à pour fait. Participer et apporter sa petite pierre à l'édifice. Tout à fait. Et dans votre cas, Garine Grégorsic, comment vous êtes investie et comment vous avez connu l'atelier de vie de quartier? En fait, moi je fais de l'associatif depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Donc moi j'aime les gens et quand je suis arrivée à Nancy, puisque je suis Lorraine d'adoption, je ne connaissais personne à Nancy et il a fallu engager une démarche volontaire. Tout cela est passé par le biais de l'école dans laquelle mes enfants étaient scolarisés. Donc j'ai repris l'association des parents d'élèves. Mes enfants ont grandi, donc j'ai quitté ces fonctions. Et puis après, je me suis essayée à plein de choses. Et c'est un petit peu par hasard que j'ai découvert les ateliers de vie de quartier. Je pensais assister à une réunion d'information sur le quartier et j'allais protester contre un programme immobilier qui se construit juste derrière chez moi. Et finalement, j'ai décidé de m'investir dans le quartier qui, chez nous, en fait, souffre d'un petit déficit d'image. On n'a pas de MJC, on n'a pas de trop de commerce, on n'a pas trop d'endroits pour se rassembler. Donc, on pense qu'il s'y passe peu de choses, alors qu'il se passe beaucoup de choses. On parle du quartier Boudonville-Scarpone Libération, on le rappelle. Et c'est vrai que vous avez parlé beaucoup d'aspects un peu événementiels, avec tous les mois des choses à voir et à faire sur le quartier. Depuis le mois de septembre, mais le rôle des ateliers de vie de quartier, c'est justement de faire remonter ce que pensent et ce que vivent les habitants du quartier. C'est comme ça que vous avez connu l'atelier de vie de quartier. Pour faire remonter des choses, parce que vous êtes une interface entre les habitants et la mairie. Tout à fait, c'est notre rôle. Nous sommes destinataires d'informations. En ce moment, le sujet, par exemple, les travaux sur les lignes T2 à T5. Oui. Donc, ce sont des réunions qui sont ouvertes au public, malheureusement, qui se déroulent en soirée. Nous y assistons et nous relayons l'information. Le 22 novembre a eu lieu une grande réunion consacrée au territoire nord. Donc, le territoire nord regroupe le secteur du Faubourg des Trois-Maisons, Boudonville-Scarpone et Plateau de Haye. Et ça a été l'occasion d'apprendre énormément de choses et de faire redescendre les choses au niveau des habitants. L'information remonte, elle redescend aussi vers les habitants. Est-ce que les ateliers de vie de quartier, et le vôtre en particulier bien sûr, a un poids pour faire changer aussi, évoluer la vie des habitants? On n'a pas la prétention de se donner une importance que l'on n'a pas. En revanche, il existe des dispositifs participatifs méconnus dans la ville. Je pense par exemple au budget participatif. Pour 2024, il s'agit d'€1 million qui seront consacrés à la réalisation de projets initiés par les habitants. Et il s'agit pour nous de faire connaître ces dispositifs, faire la promotion des projets présentés dans le cadre de ce programme et inciter les habitants à prendre part au vote. Nous avons la parole, prenons-la. Et c'est ainsi que des fresques ont été réalisées dans toute la ville, par exemple. Oui. Des fontaines ont été installées ou sont en cours d'installation dans les parcs de la ville, etc. Il est toujours temps de faire des propositions pour cette année? Alors non, ça sera pour l'année prochaine après. Ça sera pour 2025. Mais quoi qu'il arrive, on peut dès maintenant s'investir dans la vie de son quartier, notamment en vous contactant et pourquoi pas en rejoignant l'atelier de vie de quartier. Comment on peut faire tout simplement? Alors, on peut prendre contact. Nous avons une page Facebook, Atelier de vie de quartier Boudonville-Scarpone Libération. Vous pouvez, en naviguant sur la plateforme de la ville de Nancy, trouver nos coordonnées. Et oui, effectivement, nous avons besoin de monde. Nous allons organiser en juin, par exemple, la brocante du quartier qui n'existait plus depuis plusieurs années. Donc, il va nous falloir des bras, par exemple. Effectivement. Donc, on n'hésite pas à vous contacter. Et donc, vous le disiez, vous organisez maintenant tous les mois des événements. Celui du mois de juin en fera partie. Vous avez besoin de monde. Et ça a permis vraiment de toucher un nouveau public. Il y a beaucoup d'étudiants sur le quartier Boudonville-Scarpone-Libération. Est-ce que certains étudiants commencent à venir vous rejoindre ou viennent aux réunions? Tout à fait. Dans le cadre du repas intergénérationnel, nous avons noué les premiers contacts. Et je suis très contente puisque ça ne s'est pas limité à une seule journée. Les contacts perdurent. Vendredi prochain, j'aurai à la maison trois étudiants indiens qui ont pris l'habitude de venir me voir et avec lesquels on va monter des projets, encore une fois, sympathiques et sans prétention. Peut-être allons-nous organiser une soirée Schluckenspiel, l'histoire d'apprendre à parler français, malgré le titre, autour d'un jeu de société et de passer un bon moment convivial. Voilà le genre de choses qu'on fait. On touche également du public plus âgé qui avait perdu l'habitude de voyager avec la crise sanitaire. Oui. Donc ces personnes plus fragiles commencent à ressortir. Alors au mois de février, par exemple, nous allons organiser une sortie au musée archéologique de l'Université de Lorraine. Est-ce que vous saviez qu'il y a un tel musée à Nancy ? Eh bien non. Vous me l'apprenez. Eh bien voilà, moi je l'ai appris très récemment. Donc c'est ce que nous allons aller voir en février. Au mois d'avril, nous allons sortir de Nancy et partir à la découverte d'une localité très intéressante, Rosières-aux-Salines, qui a une église qui a des boiseries remarquables. Et nous allons visiter le musée du sel et de la selle, le Hara, le Beffroi, donc plein de choses toutes proches et que finalement on connaît peu. Donc j'ai déjà de nombreux inscrits. Et de nombreux projets qui permettent de renouer des liens donc avec les habitants du quartier et qui viendront après à participer, pourquoi pas proposer aussi des choses à vivre. Alors, quel peut-être dernier message vous pourriez donner justement alors aux habitants du quartier Boudonville-Scarpone-Libération, mais même à tous les habitants de Nancy, parce que je le dis, il y a 11 ateliers de vie de quartier à Nancy. Alors, 11 ateliers de vie de quartier, j'ai envie de dire, venez à nos réunions mensuelles, venez prendre un petit peu la température, vous allez vous rendre compte que dans un atelier de vie de quartier, on apprend beaucoup à Boudonville, on apprend beaucoup de choses au niveau de l'histoire, la petite et la grande, on essaye, parfois on rate, hein, mais on essaye en tout cas, on découvre ensemble plein de choses, on expérimente et on fait du partage de savoir, d'expérience, et c'est vraiment sympathique. On crée du lien et j'aime beaucoup ce que je fais. Donc retrouvez l'atelier de vie de quartier Boudonville Scarpone Libération sur la page Facebook. C'est la meilleure manière de vous contacter aujourd'hui. Oui, je vais vous donner également l'adresse mail, donc AVQ comme atelier de vie de quartier, avq.boud.scar.libé@gmail.com. Karine Grégorcic, merci. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.